oba testo, planto tus els dimunel, cum mira les fatat, terre meni lubasel, ai tan de caros enormos, tan de trebansos puiriros, mon sentimenes de borbo estrany, cum mo de feriro. So che conesses mai tu Joachilu du demo la sigo du dal baral las premissas al maso ya din lufio de ma vida come in embeggio più lento mo libra mai ta biblo una gaudenza du lento se pas iures pas e caro Straubat ma furio, mo missia mai murgio, un godime dell'amor. E calo giù su di tres, danzarai e muri se, e scuderai di tu fies, ora cercherà metà, lei è la testa al bench, saltarai di fiocche buco. Yeah. de la montaña, sudaba la chula plano de la Isaac. Sudaba la los burros de la montaña, sudaba la chula plano de la Isaac. Regreto pa' los países de la Ginzano, regreto a Oria Winam y ese navio. Regreto pa' los países de la Ginzano, regreto a Oria Winam y ese navio. Sudaba la los burros de la montaña, sudaba la chula plano de la Isaac. Sudaba la los burros de la montaña, sudaba la chula plano de la Isaac. Regreto pa' los países de la Ginzano, regreto a Oria Winam y ese navio. Regreto pa' los países de la Ginzano, regreto a Oria Winam y ese navio. O futebol tentou percol. se surrigliavo. Il musci ben a passare che la cacciavo. E che la cacciavo dai sì, e che la cacciavo da lei, e che la cacciavo. Serio sma me stresso, serio sma me stresso dai sì, serio sma me stresso da lei, serio sma me stresso. De las peros de la cara.